British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Je reçois dans British Connection Jérôme Soligny à l'occasion de la sortie de son volume 2, Rainbow Man, chez Gallimard, ou l'histoire de David Bowie. On le retrouve tout de suite dans British Connection. Salut Jérôme. Alors Philippe m'a demandé de parler de mon parcours et de Rainbow Man en moins de 2 minutes. C'est donc tout à fait impossible puisque j'ai publié il y a quelques années un livre de plus de 1700 pages dans lequel je raconte mon parcours justement en tant que musicien et journaliste, surtout journaliste, et que bien sûr je n'ai pas tout raconté. Donc voilà, on va dire que je suis un musicien qui a mal tourné, c'est-à-dire que je suis venu à l'écriture, j'ai été sollicité pour écrire des bouquins, pour rentrer dans la presse rock, en l'occurrence à Rock et Folk, même si c'est pas l'endroit où j'ai écrit en premier, mais enfin voilà. Et puis j'entretiens depuis l'enfance, on peut dire l'adolescence, une passion pour la musique de David Bowie qui s'est concrétisée à plusieurs échelons de ma vie, et notamment quand je l'ai interviewé souvent, assez souvent, très souvent, pour Rock et Folk. Au moment de son décès, alors que j'avais beaucoup écrit, je m'étais juré de ne plus écrire, et en fait j'ai été sollicité. J'ai eu ce qu'on appelle une proposition qu'on ne peut pas refuser, c'est-à-dire que quelqu'un m'a demandé d'écrire le livre que, éventuellement, je rêvais de lire moi-même, c'est-à-dire un livre qui n'existe pas à son sujet. Et donc, voilà, j'ai une approche tout à fait particulière. Alors, ce n'est pas une biographie, c'est une sorte d'étude musicale en 2 tomes, à cause de l'importance de sa carrière. Et le concept, au-delà de ce que moi j'ai écrit, c'est surtout de faire parler les autres, en l'occurrence les gens qui ont fait de la musique avec lui. Parce que moi, je suis musicien, ce qui m'intéresse, c'est le point de vue du musicien, c'est le point de vue des gens qui font de la musique. Et j'ai donc estimé que c'était intéressant d'aller glaner un maximum de témoignages, de propos exclusifs au livre, puisque en fait tous les gens qui s'expriment dedans, ce sont des gens que j'ai interviewés directement moi-même, et il n'y a rien qui vient d'autres ouvrages ou d'autres articles, comme c'est la coutume dans les livres sur la musique. Thank you. against the grain and fool them all again and again. I'm trying to. It's all gone wrong, we're all in on the bitter nerve and it's never end. I'm falling down. Don't believe for just one second I'm forgetting you. I'm trying to. I'm dying. L'émission rock qui vous fait découvrir les groupes que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. Un instant, David Bowie, Dollars Days, et puis on retrouve Jérôme Soligny dans British Connection. On me demande également si j'ai une ou deux anecdotes au sujet de David Bowie. J'en ai plutôt 2500 qu'une ou deux, mais s'il fallait essayer de citer des choses qui sont dans le livre, puisque c'est un peu ça l'idée, le livre est plein de choses qui sont... nulle part ailleurs, on peut le dire. En l'occurrence, par exemple, il y a quelque chose... faut savoir que David Bowie était quelqu'un qui s'inspirait énormément de ce qu'il entendait, de ce qu'il voyait. Et en l'occurrence, il y a quelque chose de plutôt marrant, c'est que le riff d'une chanson comme Stay, par exemple, sur Station to Station... Eh bien, il s'avère qu'il y a un groupe qui avait fait la première partie des Spiders from Mars en 72... qui avait un morceau dont le riff principal, dont le riff d'intro était très très très similaire, assez curieusement donc, on va dire, à celui de Station to Station que David Bowie enregistrera 3 ans plus tard, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça en dit long sur sa faculté à s'accaparer les choses et puis à les faire siennes. Il fait partie de ces musiciens qui pensaient que tout ce qui se passait dans le studio, quand lui était dans le studio, lui appartenait. Si un guitariste ou un pianiste venait avec un riff pas possible, ça devenait du David Bowie parce qu'il était là et parce que c'était en sa présence que c'était né. Et sinon, au niveau des textes, il y a des choses aussi très rigolotes dans le livre, en l'occurrence dans le deuxième tome, et notamment, le fait que, par exemple, la chanson qui s'appelle « Seven Years in Tibet » sur l'album « Earthling », bien sûr, ne parle absolument pas du Tibet. Et David Bowie, les musiciens de David Bowie racontent ça dans le livre, et c'est très rigolo comment lui va décider que cette chanson, finalement, elle peut être associée au Tibet alors qu'elle ne l'est pas du tout à l'origine. Et c'est quelque chose qu'il va faire très très souvent. C'est pour ça que c'est toujours drôle de voir des gens qui ont la prétention d'expliquer ces textes de chansons, parce que bien sûr, c'est une mission totalement impossible. Merci Jérôme. Et puis tu nous proposes ton second choix, c'est celui de David Bowie, évidemment, et le titre Panic in Détroit. On te retrouve dans un instant pour la suite de British Connection. Oh, You are listening to British Connection, the best radio rock show in the galaxy. Alors, j'ai consacré à peu près 5 ans de ma vie à écrire ce livre. Ça a été un boulot tout à fait dingue, en tous les cas, en quantité de glanage des interviews et aussi de tout ce qui est la retranscription, la traduction. J'aurais pas pu le faire sans mon épouse, d'ailleurs, qui est journaliste et auteur elle-même et qui m'a énormément aidé. C'est un livre qui est paru chez Gallimard dans une collection de ce qu'ils appellent les beaux livres, c'est-à-dire que c'est pas un livre d'art, je trouve que c'est un peu prétentieux, mais disons que c'est quand même un beau livre. Les deux couvertures ont été confiées à un photographe qui a beaucoup photographié David Bowie et qui était très proche de lui, qui s'appelle Mick Rock. Le design des livres a été confié, les couvertures a été confié à Jonathan Barnbrook, qui s'est occupé du design des pochettes de David Bowie à la fin de sa vie, en tous les cas à la fin de sa carrière. Et bien sûr, il y a des photographies et des illustrations par deux jeunes illustratrices que j'ai rencontrées pour l'occasion, et qui s'appellent Lisa et Margot Chetto. Sans elles, sans tous les gens que je viens de citer, le livre serait tartignolo possible. Pour ceux qui connaissent David Bowie, il faut savoir que la préface du premier tome a été rédigée par Tony Visconti, qui a produit la plupart de ses albums majeurs, on va dire. Il ne les a pas tous faits, mais il en a fait beaucoup, beaucoup. Et il y a une espèce de postface, un essai à la fin du livre qui est rédigé par Hermione Farthingale, qui était le premier grand amour de David Bowie, quelqu'un de très timide et très discret, qui m'a fait l'honneur de rédiger quelques feuillets. Voilà, le livre est, j'ai envie de dire, dispo partout. Eh bien, écoutez, au moment où je vous parle, ce n'est pas le cas, puisqu'il est un peu, beaucoup en rupture, les deux tomes. Alors, j'ai envie de dire bonne chance à ceux qui veulent le trouver. On le trouve, pas mal de libraires l'ont encore, mais voilà, on est en train de réimprimer. Et donc, en l'occurrence, au moment où je vous parle, il n'est pas très très évident à trouver. C'est une chose. Et puis, on m'a demandé de citer une chanson, d'annoncer une chanson. Eh bien, je ne sais pas, une qui me vient à l'idée, là, comme ça, on va dire, ben voilà, justement, Letter to Hermione, sur l'album qui s'appelle David Bowie, mais que tout le monde connaît sous le nom de Space Oddity. Voilà, je vous conseille d'écouter cette chanson en boucle. C'est le plus grand mal que je souhaite à tout le monde. Au revoir. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da this letter sweeps the billow clean. So rest your head and read a treasured dream. I care for no one else but you. I tear my soul to cease the pain. I think maybe you feel the same. What can we do? I'm not quite sure what we're supposed to do. So I've been writing just for you. They say your life is going very well. They say you sparkle like a different girl. But something tells me that you hide. When all the world is warm and tired, you cry a little in the dark. Well, so do I. I'm not quite sure what you're supposed to say, but I can see it's not okay. He makes you laugh, he brings you out in style. He treats you well and makes you up real fine. And when he's strong for you. And when you kiss, it's something new. But did you ever call my name just by mistake? I'm not quite sure what I'm supposed to do. So I'll just write some love to you. Merci à Jérôme Soligny pour nous avoir parlé pendant 20 minutes de David Bowie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces deux tomes, Rainbow Man, tome 1 et tome 2, chez Gallimard. Si tu veux pas passer pour un blaireau auprès de tes potes, écoute British Connection, la seule émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Écoute ça. Dans 5 minutes, nous retrouverons eh bien, le bêtisier d'Emma en attendant sa chronique de Let's Go What's Up Glasgow la semaine prochaine. Donc elle nous fait un petit bêtisier dans 5-6 minutes, c'est cadeau. Mais tout de suite, les Simple Minds, on reste sur les îles britanniques et justement en Écosse. 40 ans de carrière pour les Simple Minds dans British Connection. Settle down till night fades into dawn. Do you remember me? Was the last day of the last great century. We were so young in my little in broken glass bar. We'd hide from the sun. We'd stay out all night. Stay out all night till the moment comes. départ, le groupe était composé de 4 musiciens. Musiciens. Ou alors, deuxième version, ils se sont connus sur un forum de cuisine. De cuisine. J'ai un problème avec les S, moi. Généralement, les chansons... Pouf. Alors évidemment, le son et les arrangements évoluent au cours de la... Voilà. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette... Oh. Il y avait à ce moment-là... je sais plus. Il y avait quoi à ce moment-là? Et c'est tout à fait le genre de tuc... De tuc. Le petit tuc. Et c'est tout à fait le genre de truc que vous prouvez... Et c'est tout à fait le genre de truc que vous pouvez... Non mais c'est pas vrai. Et c'est tout à fait le genre de truc que vous pouvez retrouver dans les charts britanniques. Les charts britanniques. Charts britanniques. C'est vachement dur à dire en fait. Et c'est tout à fait le genre de truc que vous pouvez retrouver dans les charts... Je vais la changer cette phrase. Je vais la changer. Où j'ai décidé de vous faire une chronique. Je vais vous faire une chronique. Le label a été fondé pour... Dans cette fac, les élèves en musique business... en musique business... expérience de ce qu'est l'industrie de la musique. Et... Je sais plus ce que je dis. Et voilà quoi. À votre avis, je pense que now... Je pense que now... Tu es à présent sur British Connection, la dernière aventure du monde civilisé, et tu n'en sortiras pas vivant. There's dignity in calloused hands. The tools you have are not for sale. But sometimes you're the hammer, and sometimes you're the nail. It's not about how you get lost. It's what you do. Find the trail, but sometimes you're Ahab, sometimes you're the whale. Da-da-da-ba, da-da-da-ba, da-da-da-ba. Ooh, na-na-na. When frogs are falling from the sky, just take responsibility. Sometimes you're the prisoner, sometimes you're the free. Just let your conscience be your guide. When heartbreak hits you, say la vie. But sometimes you're the shih tzu, and sometimes you're the tree. Da-da-da-ba. Da-da-da-ba. That's right. Da-da-da-ba. Sometimes you're the sea. Sometimes you're a stranger to yourself. It's a dangerous place to be, but you'll be fine. Just remember where you come from and how you got the song. Then you'll always get it right more than you get it wrong. We're with you in the middle, we're right down to the bone. Thank you. C'est un titre inédit de The Killers, c'est la vie, oui, extrait d'un nouvel album et plutôt d'une nouvelle version de Unplugging the Mirage, sortie en août dernier, une version deluxe avec quelques titres acoustiques et puis ce titre inédit, c'est la vie de Killers dans British Connection. Allez, on fait une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie, la deuxième heure de British Connection, votre émission rock. Avec la deuxième partie de l'EP de la semaine en exclusivité Camera Obscura. Et puis on s'enchaînera avec vos chroniques, vous l'adorez, les 180 secondes du micro jaune avec Rémi. A tout de suite.